Amis humains, bonjour. Voici le numéro 2 d'une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science avec son énorme flot quotidien de publications tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 7. Histoire de la robotique. L'intelligence artificielle. Les performances des ordinateurs, notamment pour des tâches logiques et mathématiques, ont provoqué un immense espoir en l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en la possibilité de créer, grâce aux ordinateurs, des machines dotées d'une intelligence telle qu'un observateur humain dialoguant avec elle ne saurait pas les distinguer d'un être humain. Ceci est la définition même d'une expérience imaginée par Alan Turing et connue sous l'appellation « test de Turing », permettant de déterminer si une machine est réellement intelligente. Certains considèrent que tout processus mental et ou biologique peut être simulé par un programme d'ordinateur. Les partisans de l'hypothèse dite de l'intelligence artificielle forte soutiennent même que les machines peuvent, non seulement simuler, c'est-à-dire donner l'apparence d'une intelligence, mais également réaliser cette intelligence. C'est toute la différence d'une machine qui donne la bonne réponse parce qu'elle obéit à des règles ou parce qu'elle a compris la question, au sens humain. Nous n'allons pas ici nous étendre sur le volumineux débat qui perdure de nos jours et portant sur la nature de l'intelligence et de la faisabilité d'une intelligence artificielle. Toujours est-il que les grands espoirs illustrés par l'ordinateur HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace, n'ont manifestement pas, encore, été satisfaits. Fin de cette 7e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.